fils de Joseph s'avance devant des yeux presque éteints. Mais l'esprit voit mieux que la chair et guide encore la main. La droite se pose sur le cadet, l'ordre humain est renversé. Car tu rappelles encore au monde que ton choix ne suit pas les premiers-nés. Tu choisis selon ton dessein, non selon nos coutumes. Tu bénis selon ton cœur et pas selon nos rangs. Tu regardes la foi plus que l'ordre et l'appel plus que le sang. Tu bénis selon ton cœur et tes voix dépassent nos lois. Car même les habitudes des pères s'effacent devant ton choix. Joseph s'étonne et s'incline, mais il accepte ton mystère. Car l'homme apprend à se soumettre quand ta sagesse est claire. Ainsi la main prophétique trace un avenir inattendu. Et les générations se forgent sous le poids léger de ce que tu as vu. Tu bénis selon ton cœur.